on peut mettre deux lits complets si on enlève la banquette. Ouais. À plat. Le monde qui a dans la pompe maintenant. C'est quoi? La pompe à essence. Ouais. Moi, je suis parti. On est parti. Hein? J'ai pas regardé derrière. Le monde qui avait derrière. Ce soir, les pompes vont être vides.